sans ta vie, si tu vends, c'est rien, un cri dans la nuit, un volcan qui s'éteint, mes chansons se défont, si tu Thank you.